بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Avant de voir ce qui concerne le témoignage de la nouvelle lune, on va citer certaines questions qui se rattachent au dars précédent. Alors la première question est: que se passe-t-il si on observe le croissant de lune pendant la journée? Ici, les savants ont cité deux cas de figure. Si on observe le croissant de lune après le zénith, c'est-à-dire dans l'après-midi, eh bien dans ce cas-là, Ibn Hazm a cité que tous les savants étaient unanimes pour dire qu'il fallait commencer le lendemain. Par contre, si on observe le croissant de lune avant le zénith, avant le zawel en arabe, dans la matinée, eh bien ici, on a plusieurs avis. Certains savants ont dit que ce croissant-là correspondait à la veille, à la nuit passée. Donc, ce jour-là, il faut jeûner et il faudra rattraper ce jour-là. C'est l'avis entre autres de Thawri et d'Ibn Hazm. Et d'autres savants ont dit que ce croissant de lune indiquait de jeûner le lendemain. Donc il faut commencer à jeûner le lendemain. C'est l'avis de l'imam Malik, de Shafi'i, d'Abu Hanifa. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et également Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi majma'in. Et Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste. Il a cité que le fait d'établir une distinction entre avant Zawal, avant le zénith dans la matinée, et après le zénith dans l'après-midi, ne reposait sur aucune preuve du Coran et de la Sunna. Donc, lorsqu'on observe l'île dans la journée, on doit commencer le siyam le lendemain. La question suivante est: que faire si quelqu'un pense qu'on est encore au mois de Sha'ban et donc n'a pas débuté le siyam, puis apprend que c'était le premier jour de siyam car ils ont observé le croissant de lune? Alors, certains savants ont dit que la personne ne jeûne pas et n'a pas à rattraper ce jour-là. C'est l'avis, entre autres, de Daoud et d'Ibn Hazm. D'autres savants ont dit que la personne ne jeûne pas, mais devra par contre rattraper ce jour-là. Cet avis-là a été rapporté d'après Arda. Le troisième avis est que la personne doit jeûner, mais ce jour-là ne lui sera pas compté. Elle devra rattraper ce jour-là, car elle n'a pas jeûné la journée en entier. Et cet avis-là est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de Shafi'i, et c'est l'avis de la majorité des savants. Et d'autres savants ont dit que la personne doit jeûner ce jour-là et que ce jour-là lui sera compté. Ce jour-là est valable. C'est l'avis de Omar ibn Abdelaziz, d'Ibn Hazm. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Shawkani et d'autres. Ils se sont appuyés sur un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit une fois aux compagnons de jeûner le jour de Ashura. Il leur a dit « Man asbaha sa'iman falyutim ma sawma ». Il a dit que celui qui s'est réveillé en jeûnant continue de jeûner. « Wa man asbaha muftiran falyutim baqiyata yawmi ». Et que celui qui ne jeûnait pas la matinée, eh bien, jeûne le reste de la journée. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ici, les sahaba ne savaient pas qu'il fallait jeûner. Certains jeûnaient et d'autres pas. Et il a dit à ceux qui ne jeûnaient pas de jeûner le reste de la journée. Donc ils ont dit que la personne doit continuer à jeûner ce jour-là et que ce jour-là lui sera compté. Le Cheikh Mohamed Ibn Hizam a dit que cet avis-là était l'avis le plus juste. Et il a ajouté « Wala inkar ala man qada ihtiyatan ». Il a dit que celui qui souhaite jeûner un jour après cela par précaution, bien, il n'y a pas de mal à cela. On passe à ce qui concerne le témoignage de la nouvelle lune. On lit le hadith numéro 4. « Wa an ibn Umar radiallahu anhu ma qala tara an-nas al-hilal ». Ibn Umar rapporte « Les gens cherchaient à voir la nouvelle lune ». فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته. J'ai informé le prophète عليه الصلاة والسلام que je l'avais vu. Donc il l'a informé qu'il avait vu le croissant de lune. فصام, le prophète a jeûné. وأمر الناس بصيامه. Et il a ordonné aux gens de jeûner. Ce hadith est hasan. Ce hadith là est bon. Le hadith suivant, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنا عربيا جاهل النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال. ابن عباس رضي الله عنه rapporte qu'un bédouin est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام en lui disant j'ai vu la nouvelle lune. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit attestes-tu que لا إله إلا الله, attestes-tu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah? قال نعم. Il répondit oui. Il lui demanda « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» قال نعم. Il répondit « Oui. » قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوم غدا. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit au Bilal, annonce aux gens de jeûner demain. Donc, il demande à Bilal d'annoncer aux gens de jeûner le lendemain. Ce hadith-là est da'if. Ce hadith est faible, car ce que rapporte le rapporteur Simek d'après Ikrima est muttarib, c'est-à-dire confus. Et de plus, ce hadith-là est mursel. Mursel, c'est-à-dire que ces propos-là remontent à un tabi'i et non pas au prophète, alayhi salatu wasalam. Ici, on va voir combien de personnes il faut pour le témoignage de la nouvelle lune. Le premier avis est qu'il faut deux témoins pour le début du Ramadan et deux témoins pour la fin du mois de Ramadan. C'est l'avis de l'imam Malik, de Leith, de l'Ouza'i, de Thawri, de Shafi'i et d'autres savants également. Ils se sont basés sur un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Fa'in shahida shahidan musliman » Si deux témoins musulmans attestent avoir vu le croissant de lune, فَسُومُوا أَفْتِرُوا Jeûner et romper le siyam, c'est-à-dire commencer le siyam de Ramadan et terminer le siyam du mois de Ramadan. Donc ils ont dit qu'il fallait deux témoins pour le début et la fin du mois de Ramadan. Ce hadith-là a une faiblesse, il est da'if, mais d'autres hadiths viennent l'appuyer, donc il devient hassan, il devient bon. Le deuxième avis est qu'il faut un témoin pour le début du mois de Ramadan et deux témoins pour la fin du mois de Ramadan. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on vient de lire, où il faut deux témoins pour le début et deux témoins pour la fin, et également sur le hadith qu'on a lu juste avant, où le prophète, alayhi salatu wasalam, a pris en compte le témoignage d'Ibn Omar seul pour le début du mois de Ramadan. Donc ici, Ibn Omar était seul, donc ils ont dit qu'il faut un témoin suffit pour le début du mois de Ramadan. C'est l'avis de l'imam Ahmed, de Shafi'i et d'autres savants également. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que c'était l'avis le plus juste, car c'est l'avis qui regroupe les différentes preuves. Donc il faut un témoin pour le début du mois de Ramadan et deux témoins pour la fin du mois de Ramadan. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Muqbal également, rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante est: est-ce que le témoignage des femmes concernant le croissant de lune est accepté ou pas? L'imam Ibn Abd al-Barr a dit que le témoignage des femmes sur Al-Hilal, le croissant de lune, n'était pas accepté selon le consensus des savants, selon l'Ijma'. L'imam Ibn Qudama, rahmallahu ta'ala, a dit car cela n'est pas une transaction financière. Il faut savoir que le témoignage des femmes concernant les transactions financières, que ce soit les ventes, les achats ou autres, est accepté. Or, ici, il a dit que cela n'était pas une transaction financière. Et il a ajouté qu'en général, ce sont les hommes qui s'occupent d'observer Al-Hilal, le croissant de lune. Cheikh Mohamed bin Hizam a dit que le consensus qu'a rapporté Ibn Abd al-Barr n'était pas authentique. Ce consensus-là n'est pas juste, car il y a des savants qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là. C'est le cas, entre autres, de l'imam Ibn Hazm, d'Abu Thawr et d'autres savants également. Donc, il a dit qu'il n'y a aucune preuve qui vient restreindre le témoignage des femmes aux seules transactions financières. On n'a aucune preuve qui vienne limiter le témoignage des femmes aux seules transactions financières comme la vente, les achats ou autres. On n'a aucune preuve à ce sujet-là. Donc l'avis le plus juste est que le témoignage des femmes concernant le croissant de lune est accepté, car il n'y a aucune preuve qui vienne interdire cela. Et c'est l'avis le plus juste, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et également Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn al-Uthaymeen et d'autres savants également, rahmatullah alayhim ajma'in. La question suivante concerne le témoignage des enfants non pubères qui ont atteint l'âge de raison. Alors l'imam al-Nawawi a dit que leur témoignage n'était pas accepté. L'avis le plus juste est que leur témoignage n'est pas accepté. Et enfin, la dernière question est: que faut-il faire si une personne voit en rêve le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dire que demain, c'est le début de Ramadan, que c'est le début du siyam? Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont cité cette question-là? Car le prophète, alayhi salatu wasalam, a cité dans un hadith, « Man ra'ani fil manam, faqad ra'ani haqqan » Il a dit que celui qui le voyait en rêve l'a vu réellement. « Fa'in ash-shaytan la yatamathal fi surati » Car le shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc celui qui voit en rêve Le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a réellement vu car le shaitan ne peut pas prendre son apparence. Donc, que faut-il faire dans ce cas-là? Que faut-il faire si on voit le prophète nous dire que demain c'est le début de Ramadan? L'imam al-Nawawi a dit « La yassih as-sawm bi-hadha al-manam ». Al-Nawawi a dit qu'il ne fallait pas se baser sur ce rêve-là pour débuter un siyam. Et il a expliqué qu'il y a des conditions pour accepter les informations qui nous sont transmises. Et parmi ces conditions-là, eh bien, il faut être à l'état d'éveil. Il faut être réveillé. Donc ici, on ne remet pas en cause le rêve de la personne, mais on dit juste que les conditions d'acceptation ne sont pas réunies. Donc il ne faut pas se baser sur ce rêve-là pour débuter le siyam le lendemain. Donc voilà pour ce dars où on a vu ce qui concerne le témoignage de la nouvelle lune. Wa ilawna walhamdulillahi rabbil alamin.